Est-ce qu'il y a un cœur qui peut commencer à lever son Seigneur, Dieu, désormais des paroles de grâce dans le Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son cœur au devant du trône du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à dire Seigneur, merci pour ta grâce en ce moment, Jésus? En ce moment, Seigneur, ton Père de grâce, sois avec moi encore. Saint-Esprit de puissance, éternel Dieu de puissance, Père. Tes bienfaits et tes offres. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Je n'oublierai jamais. Tu es mon Dieu. À chaque situation, tu n'échoues jamais. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Moi, je ne t'oublierai jamais. Tu es chaque situation, tu n'échoues jamais. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Moi, je n'oublierai jamais. Tu es mon Dieu. À chaque situation, tu n'échoues. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Nous inclinons nos têtes, nous allons prier. Tunainamisha vichwa, tunapenda kuomba. Père, nous te rendons grâce. Baba, tunasema pour ces moments. Kwa nyakati hizi. Où tu aimerais nous parler. Kulipenda kutusemeze. Parle à un cœur disposé ce soir. Sema na moyo yenye na kwa tayari jio. Laisse que mon frère, ma soeur en ce lieu. Atia ndugu na dada panafasi. Puisse rencontrer. Apate kutana. Ses désirs ce soir. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Laisse que tu croisses et que je diminue en ce lieu. Laisse que je sois cet instrument que tu vas utiliser pour ton peuple ici présent ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous disons merci et grand merci à notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné la force de nous tenir au-devant de vous. Nous cesserons de dire aussi merci à notre Papa Désiré, qui nous fait confiance afin que nous nous tenions en ce lieu. De là où il est, qu'il reçoive notre gratitude, nos remerciements. Je dis merci aux anciens, les diacres, tous les serviteurs pour le travail abattu dans cette église et pour vous tous qui êtes là ce soir. Ma prière, c'est que le Dieu de notre Père puisse vous bénir. J'étais en train d'attendre un grand amen. Que Dieu de notre Père Désiré vous bénisse. Amen. Amina. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13. Nous allons lire du 10e au 16e verset. Luc, chapitre 13, suraya tatu. Nous allons lire du 10e au 16e verset. Je me répète, Luc chapitre 13, Luca sura 13, du 10e verset au 16e verset. Mpaka 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus enseignait dans une des synagogues. Christo alifundisha katikati ya le jour de sabbat. Ilikuwa siku ya sabato. Et voici Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposant les mains, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce qui s'était passé, de cette guérison, au jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours, pour travailler, venez donc pour faire guérir ce jour-là. Et non pas le jour de sabbat. Hypocrite. Munafiki. Leur répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, siku ya sabato, ne détache pas de la crèche son bœuf asipeleka ketena imbilika ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, na uyumuke, qui est une fille d'Abraham et que Ibrahim, Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Siku ya sabato. Amen. Amina. Amen. Amen. Bien-aimé, ce soir, Mupendwa Dioni, j'aimerais parler de trois personnages. Je parle de trois personnages. Le premier personnage, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Christo. Alléluia. Amina. Le premier personnage, c'est Jésus-Christ. Le deuxième, na mutu wa pili, c'est la femme. Inakuwa muke. Et le troisième, na mutu wa tatu, c'est la foule. Inakuwa makutano. Alléluia. Amina. Trois personnages dans watu cette tatu ndani yosomi huu. Jésus, Yesu, la femme, uyumuke, et la foule. Pia na makutano wa taifa. Bien aimé, vous allez comprendre. Mupendwa mutaelewa. Au travers ces récits. Kupitia iusomi. Et tous ces personnages. Ya kusema au watu wote. Ont un rôle à jouer. Wanakuwa na kazi ya kufanya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Ce qui m'a attiré, yenye le premier point, c'est le point de Jésus-Christ. Ya Yesu. La Bible dit, Biblia inasema, cette femme uyu muke, a souffert pendant 18 ans. Miaka pendant 18 ans, miaka nane, elle était malade. Alikuwa mgonjwa. Elle avait une famille. Alikuwa na tamaa. Elle avait des alikuwa gens autour d'elle. Na watu kando kando mais il n'y a eu personne. Lakini akukukua mutu. Il y a eu compassion. Mwenye alikuwa na huruma juu yake. La Bible dit. Biblia inasema. Cette femme. Uyu muke. N'est même pas allé chez Jésus. Asikuweza tena kumuona. Elle ne s'est pas adressée à Jésus. Asikujua tena ujitambulisha kwa Kristo. Alléluia. Amen. C'est comme plusieurs. Ni kama wengi. Ce soir tu es au Seigneur. On y allait au mais tu as des soucis. Upendo na mashaka. Tu as des problèmes. Unakuwa na mambo. Personne. Okule mutu. Qui est autour de toi. Awezi kwa kando kando. Partager ces problèmes. Anaweza kugawanya yale mambo. Je viens t'annoncer. Lakini nakuja kukutangazia. Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo wa Nazareti. Anakuona fasi unakuwa. Na anaona mambo yako. Vile aliona huyu mke. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dicté. Hakuna mutu mwenye tu peux penser unaweza que le monde t'a oublié. Ya kusema ulimwengu mais sache ce lakini soir que Jésus Christ ne t'a pas oublié. Asija il te connaît. Anakujua. Et il connaît là na où tu es. Anajua fasi unakuwa. Il connaît même na anajua hata mambo la Bible dit. Biblia nasema, il y avait là kulikuwa tena une femme possédée muke mwenye alishukua na mpepo il la rendait yenye ilimufanya awe ulema tokea miaka 18 alikuwa mwenye kukunjama asikuweza kujinyolosha asikuweza kunyolosha. La Bible ne dit Biblia pas iseme ya kusema huyu muke amukuona Yesu lakini yenye nanipendeza muii msemo ni kusema neno nasema wakati Yesu vu cette femme. Aliona huyu muke. Verset 12. Hallelujah. Amina. Le verset 12. Verset 12. Lorsqu'il l'a vu. Wakati alimuona. Lorsqu'il a vu. Wakati ile tu alimuona. Mais Jésus te voit. Mpendwa Yesu anakuona. Là où tu es. Fazi unakuwa. Même si hata kama environné. Unakuwa mwenye kuzungulikiwa na mambo mingi. Même si on t'a négligé. Hata kama wamekushusha. Jésus Christ. Lakini Yesu Kristo anaweza kukuona. Fazi unakuwa. Fazi ile unakuwa. Mpendwa usijishushe. Ne t'inquiète pas. Usiwe na shaka. Parce que Jésus Christ. Kwa maana Yesu Kristo anakujua na anakuona. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer pour Et tu naweza shangilia kwa ajili ya Yesu Kristo. Acclamons pour Jésus. Shangilia kwa ajili ya Yesu. Mpendwa Yesu Kristo wa Nazareti. Ni ile jina. Yenye ilinyanyuliwa. Juu ya majina yote. Kule goti yote iko njano. Oh, élevez Jésus. Nyanyua Kristo. Élevez Jésus. Tumunyanyue Yesu. Ndani ya maisha yenu. Comme ce serpent de Rennes. Kama tena huyu nyoka wa shaba. Mwenye alinyanyuliwa tena juu. Na wakati nyoka alipasha Mio yote alipasha kuangalia kuangalia huyu mtu wa Kristo alipata uzima. Alleluia. Amina. Le seul qui peut sauver. Mwenye anaweza kusuu. Le seul qui peut compatir. Mwenye anaweza tena kutunga. Avec ta situation. Oh mumambo yako. Ule moya. Mwenye anaweza kusindikiza. Mwenye unafanya. Anaitwa Yesu Kristo. Aina mtu mwingine. Jamaa yako. Inaweza kusaa. Alléluia. Amina. La famille. Jama. Peut t'oublier. Inaweza kukusahau. Papa Eric. Papa Eric. La famille t'oublie. Jama inakusahau. J'ai donné un exemple. Nilileta mfano mkazi mkoso. Fazi nilikuwa. J'ai dit. Nilisema. Le prophète Samuel. Wana Nabii Samuel. Le prophète Samuel. Nabii Samuel. Il entre dans la maison d'Isaïe. Alingia ndani ya nyumba ya Isaïe. Pour chercher le roi. Kwa ajili ya kutafuta nani mfano. Oh kwa ajili ya kumpaka. On a cité, on a montré tous les enfants. Leta watoto wote. Le père. Baba. Il a cité tous les enfants. Akataya majina ya watoto wote lakini alimsahau Daudi. Il a oublié David. Alisahau Daudi. Le père de l'enfant. Baba mwenye mtoto. On demande les enfants. Oba anauliza batoto beko wapi. Anasema pa. Voici. Tazama. Ceci. Awa watoto sa. Lakini kuko moya. Le père a oublié. Mwenye baba alisahau. C'est le prophète. Ni nabii. Je lui dis. Mwenye akasema. Y'a-t-il pas un autre. Eti hakuna mwingine. Bien-aimé. Mupendwa. J'aimerais te dire ce Nilipenda soir. Kukonesha jioni. Même si on t'a oublié. Hata kama basha kusahau. Yesu Kristo. Eko na kuona fazi huko. Alleluia. Amina. Cet homme de Galilée. Huyu mtu wa Galilea. Il te voit. Yeye anakuona. Anakujua vile unakuwa. Anakujua. Kuzidi hata mwenyewe. Alleluia. Amina. Jésus Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Il est responsable. Anakuwa mwenye madaraka. Ce nom qui a été élevé. Jina yenye ilinuliwa. Au-dessus de tous les noms. Juu ya majina yote. Yesu. Il a vu. Alaona. Il regarde. Anaangalia. Il dit. Anasema. Ce que j'aime bien aimé. Yenye napenda wapendo. Cette femme n'a pas fait d'intercession. Huyu mke asikufanya maombi. Alléluia. Amina. Vu que Jésus connaissait la situation. Kona Yesu alijua hali yake mpendwa. Watu wanaweza kuangalia. Même te sourire. Wanaweza hata kukuchekesha. Lakini abajue mambo yako. Huyu mke alifanya miaka 18. Anateswa na teswa. Mwenye kukunjama. Mwenye kukunja. Habité par un esprit. Oh, alikuwa tena mwenye kushikwa na mapepo. Yenye ilikuwa namsumbua. Mais Jésus. Lakini Yesu. Le seul qui pouvait mwenye alipasha kutua mambo ya. Mupendwa anakuonesha. Hata kama wazazi. Hata kama wanduku. Hata kama kanisa. Aijue mambo yako. Lakini Yesu Kristo. Mwenye tunatangaza panafasi. Anakujua, anajua mambo yako. Alléluia. Amina. Ce personnage de Jésus. Awa watu mtu wa Kristo. Ni watu wanakuwa kila siku. Ni mtu anakuwa mdakika yote pamoja nasi. Ni huyu mtu wa Yesu. Ni huyu mtu anakuwa pamoja na anakujua. Avant même ta naissance. Hata mbele ya uzaliwa wako alikujua. Il connaît tes projets. Anajua mipango yako. Notre père. Na bariki baba yetu. Alileta mfano. Dimanche antérieur. Juma ile ilipita. Akasema. Au moment où on allait. Wakati yenye walikuwa naenda. Kwenda kutoa. Isaac. Isaka. C'est à ce moment-là. Ni mwile wakati. Que sa femme naissait. Kule mke wake alizaliwa. Alléluia. Amina. Au moment wakati où Abraham prend il est Ibrahim akabeba Isaac avec lui à la montagne kumulima kwa ajili ya kumtoa ni ile wakati kule umuke wake nikusema Nous pouvons voir les problèmes, les situations telles qu'elles se passent. Mais Dieu, lui, la voit autrement. Dieu, lui, ne voyait pas Isaac quand il allait sacrifier. Mais Dieu, lui, voyait un couple Josi, qui devait continuer là. Alléluia. Amina. Au moment où tu es dans cette situation, au moment ali, où tu es dans des problèmes, mambo, où tu penses que les choses sont limitées, bien aimé, sache que Dieu est en train de voir plus Mungu que ça. Ona zaidi ya ile. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Yes. Il regarde la femme. Anangalia huyu muke. Il dit, anasema, femme, muke, tu es délivré. Umefunguliwa. Bien-aimé, la femme Mupendo, n'a pas fait l'intercession. Huyu muke asikufanya maombi. Elle n'a pas fait de jeûne. Asikufanya bifungo. On dit que la femme n'a pas supplié. Awa kusema huyu muke alipata kusi. La femme n'a pas demandé. Huyu muke asikuomba. Mais cet homme de lakini Jésus, huyu mutu wa Yesu, cet homme rempli de compassion, ni mutu mwenye kujazwa na anarema. Connaît ton problème. Anajua mambo de telle sorte que ali ile, lui-même, ata yeye mwenyewe, il n'attend même pas. Asisikie ata. C'est là que je comprends. Quand la Bible dit, l'esprit, lui-même convainc. À notre esprit, nous sommes en train de dire. L'esprit, porte nos prières, nos soupirs inexprimables. Il se prend, se prière, et il les amène auprès de Dieu. Alléluia. Amina. C'est-à-dire Jésus, en regardant cette femme, la femme elle-même était déjà devenue un esprit de prière. Il a ombi. Vu toutes les prières. Et ombi yote. Femme a dû faire durant sa vie. Elle n'avait plus rien à dire. Jésus, quand Jésus regarde, Yesu, avec compassion et dit, femme, muke. Donc elle n'avait pas à demander. Asku omba. Alléluia. Amina. Bien-aimé, ta situation, upendo mambo yako, elle peut être pourrie. Inaweza kuwa yenye kuoza. Mambo yako, elle peut être dans la inaweza tombe, kuwa ndani ya kaburi, comme celle de Lazare. Kama hii ya Lazaro. Mais quand Jésus, lakini wakati Yesu, lui-même sait le problème, yeye mwenye anajua mambo, il va ressusciter, atafufula, même ce qui était mort. Ata yenye lifariki. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Il dit à cette femme, anasema na huyu muke, femme, muke, tu es délivré, umefunguliwa, de ton infirmité. Mule mafu wako. Bien-aimé, mpendwa, je voulais parler de ce personnage. Ce premier personnage. Ce soir qui est le personnage de Jésus-Christ. Cet homme qui nous connaît plus que nous-mêmes. Cet homme qui connaît nos problèmes. Cet homme qui est capable de guérir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Vous savez, mnajua, Acte chapitre 10, Tendo kumi ya sura ya 10, verse ya 29, Biblia inasema, unajua namna gani Mungu alipakala Roho Mtakatifu, Bwana Yesu Kristo, mwenye alienda fazi na fazi, kufanya mema na kuponya wote wale walikuwa chini ya ufungwa wa mwovu. Mnajua namna gani Mungu alipakala na Roho Mtakatifu. Oh, na nguvu huyu mtu wa Kristo wa Nazareti mwenye alienda fasi na fasi kufanya miema na kuponya wote wenye walikuwa chini ya ufungo wa mwovu. Mpendwa, l'esprit c'est l'esprit. Cette ina, femme elle n'était pas malade. Asikukua mgonjwa. Elle n'était pas malade. Asikukua mgonjwa. Mais c'est un esprit. Lakini ronta qui l'a rendu courbé. Yenye limfanya kunjami. Je me suis imaginé nilikuwa nafikiria bien que c'était comme une charge. Ni kama tena mzigo yenye waliweka juu ya huyu mke kila rende courbé yenye limfanya kuwa wa kukunjama. Pourquoi cet esprit là, ile pepo. Bien-aimé, mpendwa, il y a des choses kuko dans nos vies. Bintu mumaisha yetu. Qui sont courbées. Mara ingine ni bia kukunjama. Kuko bintu mumaisha yetu. Bienye abiendeke. Abisonge. Kwa ajili ya kubinyolosha. Abiendeke. Kuko batoto. Ulifunza. Oweko tupaka wa kukunjama. Mpendwa, mwenye anaweza kuleta na kunyolosha bintu ni Yesu Kristo. Amina. Alléluia. Amen. Les choses bitu étaient courbées. Tu commences le commerce. Una anja biashara. Ça n'évolue pas. Abiende kumbe. Courbé. Ni bia kukunjama. Tu veux que ça aille comme ça. Unapenda biende hivi. Lakini binenda ngambo ingine. Tu as des enfants. Unakuwa na watoto. Tu parles, tu unasema unasemulula abashikie. Unasema twende hivi. Batoto banenda ngambo ingine. Maisha ya kukunjama. Cette femme uyumuke, pendant 18 ans. Mu miaka 18. Elle a souffert. Ma altesse. Courbé. Mwenye kukunjama. Mais Jésus. Lakini Yesu. La regarde. Mukumuona tu. Il dit ses anasema il dit femme. Anasema tu muke. Tu es délivré. Mefunguliwa. Bien-aimé, mupendo. Tout ce qui était yote likuwa ya kukunja. Dans ta vie. Maisha ya. Ce soir. Jioni ya leo. Déclare, mina tangata. Inyoloke. Eh, que ça se redresse. Mujina la Yesu. Tout ce qui était yote likuwa ya kukunjama. Itinyoloshe. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Comme cette femme. Kama uyu muke. Tout va se redresser. Yote tanyoloka. Alléluia. Amina. Ton travail là. Kazi yako. Qui a des zigzags. De redresser kunyolosha tout ce qui a été coupé. Yote yenye mekunjama. Bien-aimé, mpendwa, je passe au deuxième personnage. Napitilia kwa mtu wa pili. Le deuxième personnage. Mtu wa pili. C'est cette femme. Inakuwa ni huyu mke. Alléluia. Amina. Cette femme. Huyu mke. Alléluia. Amen. Cette femme. Huyu mke. La Bible dit. Biblia nasema. Ça c'est Jésus qui parle. Huyu ni Yesu anasema. Il dit cette femme. Anasema huyu mke. Qui est une fille. Mwenye anakuwa tena Abraham. Wa Ibrahimu. Que Satan. Ule muovu. Tenait lié. Alipamba mwenye kushu. Depuis 18 ans. Tokea miaka 18. Bien aimé. Mpendwa. Cette femme. Huyu mke. Peut-être c'est moi. Mara ingine ni mie. Cette femme. Huyu mke. Peut-être c'est toi. Mara ingine ni wewe. Peut-être c'est ta vie. Mara ingine maisha yako. Mara ingine ni ndoa. Peut-être c'est ton mara ingine ni kazi. Peut-être c'est le mara ingine tena ni jo. Mara ingine ni biashara. Peut-être c'est le mariage. Mara ingine ni magonjwa. Cette femme. Huyu mke. Elle représente. Aligonosha. Yote yenye naweza kuwa mbele yetu. Yesu Kristo. Anadit. Tu m'as mis chambelé à Dieu. Na kutosha ile mambo cette femme était courbée. Huyu mke alikuwa mwenye kukunjama. Nos vies peuvent être courbées. Maisha yetu naweza kuwa kukunjama. Mupendo. Même si c'est courbé ata kama ni ya kukunjama namna kani. Jesus Christ. Est capable de anaweza kuyanyolosha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme. Muke, tu es délivré mefunguliwa de ton infirmité. Mulemafu wako. Il lui imposa les mains. Basi akamutilia mkono. À l'instant, mudakika ile ile. Se redressa. Akanyoloka. Et glorifia na Dieu. Kutukuza Mungu. Maintenant écoutez. Sikieni sasa. C'est là qui vient. Ni pale kunakuwa. La troisième catégorie que j'aimerais parler. Aina ya tatu yenye nilipenda kusema. La Bible dit. Biblia nasema. Les chefs de la synagogue. Basi wa akida wa masinagogi. Indigné. Awakupenda. Bien-aimé. Mupendwa. Quand Dieu veut redresser certaines choses. Wakati Mungu anapenda kunyolosha bitu bingine maisha yako. Il y a aussi ceux. Kuko tena wale. Qui ne veulent pas. Wenye awapendi. Kuko wale. Qui veulent que ta vie. Wanapenda maisha yako. Dans la même situation. Ipakie muali moya moya. Ce soir. Jioni ya leo. Tutaomba. Tutalabisha. Quand Dieu veut redresser wakati Mungu anapenda kunyolosha mtu. Wakati Mungu anapenda peleka mtu. Akuko wengine wanapenda bakie pale. Ndani ya umasikini. Ndani ya mambo. Ndani ya mambo ya nguvu. Le chef de la synagogue. Wakida wa masinagogi. Wakaangalia. Il dit. Nakusema. D'abord il est indigné de ce que Jésus avait opéré. Wakupenda nye Kristo alifanya. Cette guérison. Ile matunzo. Il dit à la foule. Basi wakasema na makutano. Maintenant, je me pose la question. Apa sasa na jiswali. Jésus guérit la femme. Yesu Kristo anaponya huyu mke. Jésus guérit la femme. Yesu anaponya huyu mke. Maintenant, le chef de la synagogue. Alafu akida wa masinagogi. Au lieu d'aller voir Jésus. Bali ya kwenda kuona Yesu. Au lieu de voir la femme. Au kwenda kumuona ule mke. Au voir la femme. Au wanaenda kuona makutano. Est-ce que quelqu'un a compris? Eti mtu ananielewa? Bien-aimé. Mupendwa. Ta gloire. utukufu wako, watu wataisema, watakuwa na oga ya kukuya mbele yako, wataenda kuisema ngambo ingine yenye Mungu atafanya maisha yako, batakuwa na boka kukuya kukonesha abyo, batenda kusema mbeme o wakili wa masinagogi banenda kona makutano kwa ajili ya kusema yenye ilipitikana pali ya kuenda kuona Yesu. Ni Yesu mwenye alimponya. Eti muke aliomba ile maombi, Yesu alipita tu. Anaona huyu muke, anasema muke umeponeshwa. Eti basi akaenda kwa makutano. Alleluia. Amina. Alors nous devons faire très attention bien. Tunapasha kukeba ange wapendwa. Ta relation elle est personnelle. Mahusiano yako inakuwa pekee. Mambo yako. Il est individuel. Iko ya pekee. Ton problème. Mambo ya. C'est toi avec Dieu. Ni wewe na Mungu. Ton problème. Mambo yako. Ce n'est pas avec tout le monde. Haina na bantu bote. Ne résous jamais. Kuko wengi. Tes problèmes. Mambo yako. Avec tout le monde. Wewe na watu wote. Tu ne résoudras rien. Hautaisha kitu maisha yako. Alléluia. Amina. Ton problème. Mambo yako. Tu le mets sur la place. Unaweka tena fazi ya. Kwa ajili ya kupata jibu. Tu n'auras rien. Hautapata kitu. Ton problème. Mambo yako. Avec Jésus. Pamoja na Yesu. Avec Jésus. Pamoja na Yesu kunaisha. Alléluia. Amen. Ton problème. Mambo yako. Seul avec Jésus. Wewe mwenyewe na Mungu. Il regarde la foule. Kangalia basi makuta. Il dit il y a 6 jours. Anasema kuna kwa masiku travailler. Kwa ajili ya kutumika. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Jeni mujitundishe. Et non les jours de sabbat. Aina siku ya sabato. Jésus était à côté. Kristo alikuwa pembeni. Il dit quoi? Anasema nini? Hypocrite. Wanafiki. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi hypocrite? Hypocrite. Hypocrite. Hypocrite. L'hypocrite. Unafiki. C'est celui-là. Ni ule. Qui évite de te voir. Mwenye anaogopa kuona. Munafiki. C'est celui-là. Ni ule. Qui choisit. Anachagua. D'aller parler à côté. Oh, kusema ngambo ingine. Lakini wewe baba. L'hypocrite. Munafiki. Ni nani? C'est que ni ule. Tu as une bonne relation. Uko na mahusiano mzuri na Mungu. Unakuwa na kitu kimoja. Pahali ya kuje. Kukuwekea ile tena shukrani. Pahali ya kuje. Kufurahia pamoja na wewe. Anaenda pembeni. Ni kwa ajili ya kusema na wengine. Ni ule. C'est Jésus. Ni Yesu. Mupendwa. C'est la Bible. Ni Biblia. Aina mzee Kristo. Ni Biblia. Jésus se retourne. Christo akageuka. Il voit les anaona tena ces gens-là étaient watu wote wanyapenda. Wanafiki. Lui répondit le Seigneur. Akamjibu Bwana. Est-ce que chacun de vous eti kila mmoja wenu le jour du sabbat siku ya sabato ne détache pas de la crèche son bœuf asitoshake tena mbilika ya gombe au wala ya punda pour le mener boire kwa kumpeleka kunywa. Et cette femme na huyu mke qui est une fille d'Abraham mwenye anakuwa binti wa Ibrahimu et que Satan tenait lié depuis mwenye ibilisi alishika katikati ya miaka 18 asina tena la be délivrer de cette chaîne kumfungula ndani ile minyololo siku ya sabato. Bien-aimé mpendwa. Bien-aimé mpendwa. J'aimerais dire ceci. Nilipenda kusema hivi. Tu es aussi fils d'Abraham. Uko binti wa Ibrahimu. Tu es fille d'Abraham. Unakuwa binti wa Ibrahimu. Tu es fils d'Abraham. Unakuwa mwana wa Ibrahimu. Ça veut dire. Ni kusema. Tu es le fils de la promesse. Unakuwa mtoto wa malako. Et tu es une fille de la promesse. Na unakuwa pia binti wa malako. Il n'y a pas de gens. Ni kusema hakuna. Wanya wanaweza basi kujitunga. Ton lieu de bénédiction. Fadhi yako ya baraka. Dieu a créé cette jour. Mungu alifanya masiku. Un homme lakini mtu mmoja veut décider anapenda kuchukua mpango kwa kusema si tu dois avoir une kama unapasha kuwa na kitu kizuri ni mumasiku sita lakini hii siku moja hapana. Uko nani? Mungu aliumba masiku ngapi? Masiku saba. Kwa nini kuweka ile mipaka? Kwa ajili ya kusema mais ici non. Apa apana. Bien-aimé. Mupendwa. La voile a été déchirée. Il est basi tena kipali pasuliwa. Hakuna hukumu. Il n'y a pas de limite. Hakuna tena hukumu. Pour ceux qui sont en Jésus. Kwa wenye wanakuwa ndani ya Kristo. Il n'y a pas de limite. Hakuna mipaka. Ceux qui sont dans le Seigneur. Wenye wanakuwa ndani ya Kristo. Personne ne peut mener des limites. Hakuna mtu anaweza kuweka mipaka. Pourquoi aussi toi tu kwa nini na wewe unapenda ku pourquoi pas toi? Sababu gani wewe? Venir aussi. Kuya na wewe. Commerçant. Oh kama mwanafanya biashara. Toi ya nini wewe? devenir un grand homme de Dieu, il n'y a pas de limite. Akuna mipaka. Qui veut limiter ta vie? Oh, nani anapenda kuweka mipaka? Nani anapenda kuweka mipaka mu maisha yako? Nani anapenda maisha yako kuwe vile nakuwa? Ni nani? Alleluia. Amina. Dieu. Mungu. La Bible dit. Biblia nasema. Il nous a bénis. Alitubariki. De toutes sortes. Na hali yote ya baraka. Dans les lieux célestes. Na toka mbinguni. En qui? En Jésus. Kwa Yesu Kristo. Maintenant toi tu es qui? Alafu wewe uko nani? Tu ya kuweka mipaka. Hiyo matunzo ya Mungu. Wako ici. Watu wengi hapa. Wana lazimisha matunzo. La guérison financière. Matunzo ya pesa. La guérison physique. Matunzo ya binafsi. La guérison. Matunzo de famille. Ndani ya majamaa. Matunzo. Dans la maison. Ndani ya manyumba. Wengi wana lazimisha. Lakini ni nani? Mwenye anapenda kuweka mipaka. Ibi bintu. Est-ce que Jésus? Eti Yesu. L'avait-il limité? Aliweka mipaka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo ndani ya Bwana. Ta bénédiction. Baraka yako. Elle est là. Iko hapa. Personne ne peut la. Na kuna mtu anaweza kuitilia mipaka. Alléluia. Amina. Comme un enfant dans la maison de Kamu. Son père. Katika mtoto anako nyumba baba. Tu as besoin. Yenye unalazimisha. Tu fais quoi? Unafanya nini? Tu demandes. Unaomba tu. Et tu prends. Na unabeba. Pour les courageux. Kwenye unakuwa na hodari. Yeye anabeba tu. Il dit, c'est pour mon père. Anasema ni ya baba yangu. Ton père ne va même pas baba yako asitakupeleka fashi. Il va pas te tuer. Asitakuua. C'est pour ton père. Ni kwa ajili ya baba yako. C'est pour vous. Ni yenu. Alléluia. Amina. Mais quelqu'un. Lakini mtu tu. Voisins, oh jirani. Il vient, il anakuya anaingia mnyumba. Il dit. Anasema. Non, toi tu ne touches pas. Wewe hautagusa kui. Hote kala pale. Bien-aimé. Mpendwa. Personne. Hakuna mtu anakuwa na ile ruhusa ya kukuwekea mipaka. Uko binti wa Ibrahimu, uko mwana wa Ibrahimu, una ruhusa nyumbani mwa baba yako yenye unalazimisha. Eti unaweza sema amina? Amen, amen, amen, amen. Alleluia. Amen. Bien-aimé, que personne ne te limite. Mpendwa mtu asikuwekee mipaka. Ingawa c'est pour tout le monde. Ni juu ya Bwana Jesus Christ wa Nazareti. Alienda fazi na fazi. Biblia inasema. Il allait. Alienda fazi sans lieu. Na fazi. Ça veut dire. Ni kusema. Aujourd'hui. Leo. Il sera chez maman mkuu. Atakuya kwa mama mkuu. Chez mama Bea. Kesho kwa mama Bea. Chez mes frères. Kesho kwa ndugu. Donc il va ataenda fazi na fazi. Écoutez, sikieni, la première mission de Jésus, kazi ya kwanza ya Kristo ilikuwa ni kwa kutenda mema. La mission, kazi ya kwanza, vile tu il allait alienda fazi na fazi sans lieu, fazi na fazi faisant quoi? Kufanya nini? Du bien, kutenda mema. Et la deuxième, na kitu kya pili sasa, guérissant, basi kuponya wale walikuwa chini ya ufungwa wa muovu. Vous comprenez la mission de munaelewa kazi résumé dans deux choses. Basi nakuwa mumpande mbili. Jésus Christ a besoin de te faire. Yesu Kristo anapenda kufanyia mema. Alléluia. Amina. Il a besoin de te faire. Anapenda kukutendea mema. Il a besoin de te guérir. Analazimisha kukuponya. Les mots qui rongent ta vie. Yenye inasumbua maisha. Mpendwa, la guérison dont on parle. Matunzo yetu yote mzee. Toujours penser de la guérison seulement. Matunzo ya kimwili. Alléluia. Amina. Cette femme, oui, mouke, elle ne souffrait pas de l'hypertension. Pourquoi hypertension apana? Alléluia. Amen. Cette femme, oui, mouke, elle n'avait pas le diabète. Est-ce pourquoi on a magonjwa ya diabète? Mais elle était malade. Lakini alikuwa mgonjwa. Mais elle était malade. Lakini alikuwa mgonjwa. Elle était possédée. Alikuwa mwenye kushikwa na mapepo. Ça veut dire, ni kusema, les maladies dont on parle. Magonjwa ni tunasemezea. Pas seulement les maladies. Aina paka magonjwa ya kimwili apana. Donc il y a aussi des maladies. Nikusema kuko magonjwa. Spirituel. Yakiro. Alléluia. Amina. Et Christ. Na Kristo. Lui, sa mission. Yeye kazi yake. C'était de guérir. Ilikuwa ni kuponya. De guérir. Kutunza. Ceux, wale wote. Walikuwa chini ya ile ufungu. Ya muovu. Elle était liée. Walikuwa wakushiku. Walikuwa kukunjama. Miaka 18. Oh, mimi nafikiria. Walimpeleka hospitali. On a fait le scanner. Wakafanya vipimo. On a regardé les os. Wakaangalia mifupa. Courbé. Ya kukunjama. Le docteur a dit. Wa daktari wakasema. Tukanya pa moyo. No, hakuna namna. C'est courbé. Ni ya kukunjama tu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nini tunaweza kufanya? Mupendwa. Nous allons à l'hôpital. Tunaenda hospitali. Kwa ajili wa tupate matunzo. Lakini mwenye anaponya. C'est lui qui guérit. Mwenye anaponya. C'est lui. Mwenye anaponya. Il connaît. Anajua. La maladie. Magonjwa. Et il connaît même la source. Anajua chanzo. De cette maladie. Ya ile magonjwa. Est-ce que c'est une maladie? Eti ni magonjwa. Causée par. Yenye natokea. L'alimentation. Kuchakula. Est-ce que c'est une maladie? Eti naweza kuwa magonjwa. Causée par le manque de. Inakuwa chanzo. Da manger. Ku mambo ya chakula. Parce qu'il y a ceux, ils ont des moyens. Mais le fait qu'ils mangent en désordre, ils sont malades. Il y a aussi ceux, ils n'ont pas de moyens. Le fait qu'ils ne mangent pas, ils tombent malades. Mais cette femme, elle ne sentait pas dans ses cas. Elle sentait un esprit. Il l'a rendu courbé. Ça veut dire qu'il y a d'autres maladies. Il ne regarde pas l'alimentation. Mais ça regarde l'esprit. Alléluia. Amina. Et Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. Il était capable. Alikuwa na uwezo. De guérir. Ya kuponya. Toutes sortes de maladies. Ali yote ya magonjwa. Que ça soit l'alimentation. Ikuye magonjwa chakula. Ikuye kukosewa chakula. Ikuye tena muovu. Yesu Kristo wa Nazareti. Alikuwa na uwezo. Ya kuponya ile magonjwa. C'est moi. Ii mwezi. Notre père. Papa yetu. A déclaré. Alitangaza. Mwezi wa matunzo. Mupendwa. Nous serons dans la joie. Oh, itakwenda na furaha. Sisi zote mkanisa. Tu es wote wenye kutunzwa. Kwa ajili tena mwisho wa mwezi. Tu es mtu atajua mambo. Kila mtu anajua mambo yake. Yoyote anajua ugonjwa wake. Alleluia. Amina. Qui ne connaît pas sa maladie. Nani asijue magonjwa yake. Chacun, lakini kila mmoja. Vile tunakuwa hapa. Unajua mambo yake. Anajua ugonjwa wake. Na tena yeye. Ni kusema hii mwezi. Le problème. Mambo. Quel que soit. Ingawa. Le problème. Mambo. De maladie. Magonjwa. Que ça soit lié. Iwe ya kuambatanishwa kunini. Résolu. Ipate jibu. Être... Watu wanapasha kuponyeshewa. Mpendwa. Tu dois être guéri. Unapasha kuponyeshewa. J'ai besoin de quelqu'un. Mina lazimisha mtu. Mettre la foi. Mwenye ataweka imani. Kwa kusema mie jioni. En sortant de ce lieu. Kwa kutoka parafasi. Napenda kurudia mwenye kuponyeshewa. Kwa maana Yesu Kristo anaweza. Même. Kule. Oh kutoka. Il est là aujourd'hui. Eko hapa leo. Pour aussi te guérir. Kwa ajili tena kukuponya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Il est le même. Anakuwa ule ule. Jana. Aujourd'hui. Leo. Et il règne toujours. Na atadumu tena milele. Il n'a pas changé. Asibadilike. Lui qui a levé les paralytiques. Ali le Musa huyu tena kile. Mwenye alifungua macho. Savait, ya ubwali walikuwa bipofu. Lui qui a guéri les lépreux. Yeye aliponya awa tena wa magonjwa ukoma. Lui qui a guéri toute forme de maladie. Yeye aliponya aina yote ya magonjwa. Ne guérira-t-il pas? Eti anau atashindwa kuponya jioni ya leo. Ce qui ronge ta vie. Yenye inasumbua maisha yako. Ronge ton cœur. Yenye inasumbua moyo wako. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, leo, les gens sont malades. Watu wako wagonjwa. Dans le corps. Ndani ya mwili. Mais il y a aussi d'autres. Lakini kuko wengine. Qui sont malades. Wako wagonjwa. Dans l'esprit. Moyo. Ils sont abattus. Wanakuwa wenye kushika. Mais j'aimerais te donner lakini ilipenda l'assurance ce soir. Uhakikisho jioni. Le seul. Ya kusema ule. Qui est capable. Mwenye anaweza. D'agir dans ta vie. Kukutendea maisha. C'est Jésus Christ. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. De Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Shangilia juu ya Kristo. Alors pour conclure, alafu kwa ajili ya kumaliza, j'aimerais qu'on nous mette acte. Nilipenda watuweke matendo. Acte chapitre 4. Matendo ya mitume sura 4. Et puis on va passer à la prière. Na kisha tutengia maombi. Acte chapitre 4. Matendo sura 4. Le verset 10. Vesi yake ya 10. Après nous allons sauter pour lire. Kisha tutaluka kwa ajili ya kusoma. Verset 29 et le verset 30. Vesi ya 19 mpaka 30. Acte matendo chapitre 4 sura ya 4. Le verset 10. Vesi ya 10. La Bible dit. Basi Biblia inasema. Sachez-le tous. Tambueni haya nyinyi zote. Et que tout le peuple d'Israël. Na taifa yote ya Israel. Le sache. Itambue hiyo. Sachez-le tous. Tambueni haya nyinyi zote. Et que tous se fécondent. Taifa se fécondent. Le sache. Itambue hiyo. C'est par le nom ni kupitia jina de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo de Nazareth, wa Nazareti, que vous avez crucifié, ule mwenye mulitundika, et que Dieu a reçu, mwenye Mungu ressuscité, alifufua toka wafu. C'est par lui, ni kupitia yeye, cet homme, uyu mtu, se présente, anajitambulisha, en pleine santé, afya njema, devant vous, mbele yenu, bien-aimé, wapendwa. Ce n'est pas par le nom de Mahomet. Aina mujina ya Mahomet. Ce n'est pas par le nom de ancien Elvis. Aina mujina ya mzee Elvis. C'est par le nom. Ni mujina de Jésus. Ya Yesu Kristo. C'est le nom de Jésus. Ni jina ya Yesu Kristo. C'est le nom de Jésus. Ni mujina ya Yesu. Ce n'est pas le nom de Kadima. Aina jina ya Kadima. Mais c'est le nom. Lakini ni jina de Jésus. Ya Yesu Kristo. C'est ce nom. Ni hii jina. Qui avait guéri cette yenye iliponya huyu mtu. On peut aller au verset 29. Naweza kuenda verse 29. Et maintenant, Natsas, Seigneur, Bwana, vois leur menace. Tazama matambulio yao. Donne à tes serviteurs. Napatia mtumishi wako. Annoncer ta parole. Kwa kutangaza neno yako. Avec une pleine assurance. Pamoja na hakikisho tele. Verset 30. Verse ya 30. En étendant ta main. Basi kwa kuweka mkono yako. Pour qu'il s'efface. Kwa ajili fanyike. De ma guérison. Tunzo. Des miracles, mutiza, et des prodiges, na mamlaka, par le nom, mutina, de ton saint serviteur, ya takatifu mtumishi wako, Yesu Kristo, par le nom de qui, mutina ya nani, de Jesus Christ, ya Yesu Kristo, mupendwa, ta guérison, matunzo yako, n'est pas dans la main de quelqu'un, aina mikono ya mtu, quand tu vas à l'hôpital, ata wakati unaenda hospitali, yua ya kusema mwenye natunza, yapokuwa à l'hôpital, oh akule, ya ceux qui arrivent, kuko wengine wanafika, mais qui repartent, lakini wanarudi. Cadavre. Wakufa tu. Ceux qui arrivent. Wengine wanafika. Malade. Mugonjwa. Il sort toujours avec la maladie. Anatoka na ile ugonjwa wake. Mais c'est lui qui guérit. Lakini mwenye anatunza. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Il peut te guérir. Anaweza ponya. Même dans ta maison. Hata ndani ya nyumba yako. Il peut te guérir. Anaweza kutunza. Même ici à l'église. Hata humu ndani ya kanisa. Pas seulement. Aweza kutishwa à l'hôpital. Owe paka kwa hospitali. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Dernièrement on était dans un hôpital. Mara ilipita nilikuwa kwa hospitali. Dernièrement, on était dans un hôpital. Mara ilipita tulikuwa kwa hospitali fulani. On priait pour un malade. Tulikuwa naomba kwa ajili ya mgonjwa. Et l'esprit du Seigneur nous dit. Na roho ya Bwana ikatuambia. Huyu. Sa place n'est pas ici à l'hôpital. Fasi yake ana kwa hospitali. Il rentre à la maison. Arudie kunyumba. C'est-à-dire, il y a des gens. Ni kusema kuko watu. Qui sont à l'hôpital. Beko kwa hospitali. Mais ils devaient pas être à l'hôpital. Lakini awapate matunzo. Bien-aimé. Mupendwa. Maintenant. Sasa hivi. Ce qui va se faire, yenye tafanyika. Ça dépend de ta foi. Inaelekea na imani yako. Ça dépend. Inaelekea de ta foi. Kwa imani yako. Mets ta foi en œuvre maintenant. Weka imani yako mtendo sasa. Qu'est-ce qui a été courbé? Ni nini ilikuwa kukunjama? Des années, des années. Miaka na miaka. Quel est ce problème? Ni mambo gani yenye unakuwa narudiria kila mwaka? Quel est ce problème? Ni mambo gani? Que tu répètes à tout moment. Yenye inarudiria wakati yote. Quelle est cette situation? Ni alikani ile. Il te revient toujours. Yenye inakurudiria tu. Cette situation là. Il est ali. Ce soir. Jioni ya leo. Elle doit s'arrêter. Inapasha kusimama. Par le nom de Jésus. Mujina la Yesu. Cette situation là. Il est ali. Doit s'arrêter. Inapasha kunyolo. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Oui, nous voulons prier ce soir. Tunapenda kuomba Dieu. Je vais appeler les chanteurs. Napenda kuita wemba. Ils vont reprendre leur place. Watabeba tena fazi. Ils vont entonner un cantique. Watatupatia mwini. Mais c'est que je te demande. Lenye mitakuo. Bien aimé, c'est de mettre ta foi. Mupendwa ni kuweka imani si yako. Si tu as besoin compris pour ukilazimisha toi. Kuomba juu yako. Tu peux t'avancer, on va prier. Unaweza kusonga mbele tutaomba. Tu peux rester sur le kama unaweza kubaki hapa. Mettre ta foi. Kuweka tu imani. Le Seigneur est capable. Bwana anakuwa. Et là où tu es. Fazi unakuwa. Il va te toucher. Atakugusa. Il va changer. Atabadilisha. Il va changer. Atabadilisha mali. Il est capable. Anaweza. Il est capable. Anaweza. Il est capable. Anaweza. Il te connaît. Anakujua. Plus que toi-même. Kukuzidi hata mwenyewe. Cette femme. Ni huyu mke. Ne savait pas. Asikujua. Que ce jour-là. Ya kusema ile siku. C'était son jour. Ilikuwa ni siku yake. Elle était venue comme alikuya tous les jours. Kama masiku zote. Mais ce jour-là. Lakini ile siku. Il s'est fait que Christ aussi était là. Alifanya tena Christ alikuwa. Il a vu la femme. Basi akaona huyu mke. Il a dit femme tu es. Akasema mke umefunguliwa. Je pensais que nilifikiria Jésus pouvait dire Christ alipasha kusema tu es guéri. Mke umeponyeshwa. Mais il dit. Lakini anasema femme, mke tu es délivré. Umefunguliwa. Pourquoi? Sababu gani? Parce que le problème kwa maana mambo haikukua magonjwa. Kukunjama ilikuwa tena ni mazao. Le vrai problème. Hii mambo ya kweli ilikuwa ni mapepo mchafu. Ça veut dire. Ni kusema il a dit femme tu es délivré. Wakati alisema mke umefunguliwa. Yes, ces esprits ont fui. Et même ce soir, ville, ville, bien aimé, Pendo. Tu as besoin de ta guérison. On a lazimisha matunzo. Tu as besoin de ta guérison. On a lazimisha matunzo. Nous avons besoin de la guérison. Tuna lazimisha matunzo. De la part de notre Seigneur. Upande wa Kristo. Nous avons besoin. Tuna lazimisha matunzo. De notre Dieu. Upande wa Mungu. Nous allons nous tenir debout. Tutasimamia juu. Nous allons nous tenir debout. Tutasimamia juu. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Utaomba neema ya Bwana. Tu vas dire Seigneur. Tasema Bwana. Me voici. Tazama mioyo. Me voici. Mioyo. Tu cites ton problème. On a taya mambo ya. Qui a trop traîné. Yanye nakawia sa. Ton problème. Mambo ya. Qui a été courbé. Yanye likunjama. La situation difficile. Mambo ya nguvu. Que tu as rencontré. Yanye ulikutanisha. Et tu pries Dieu. Oh mpendwa. Qu'il puisse te guérir. Apate kuponya. Qu'il puisse te guérir. Akuponye. Qu'il puisse te guérir. Akutunze. Il est capable. Anaweza kukutunza. Il est capable de anaweza kukutunza Dieu. Dans le nom de Jésus. Ujina la Yesu. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu n'as que Jésus. Que tu n'as Jésus. Qui peut changer. Moi, je n'ai pas de changer ta situation. N'ai pas de badili chalia. Seul Jésus est capable de changer ta situation. Qu'est-ce qui est resté couvert dans ta vie? Qu'est-ce qui te maintient dans cette situation? Jésus est là pour changer ta vie. Alléluia. Wow. Que toi à présent, au nom de Dieu, Seigneur, je te prépare ton cœur. Oh, moi, ton cœur. Oh, moi, c'est moi. Oh, moi, notre. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Moi sur la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, oh si tu me l'enlèves, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai rien, Jésus. Je n'aurai rien sans lui. Moi sur la terre des hommes, je ne vois que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, oh si tu me l'enlèves. Oh, c'est aujourd'hui, Seigneur. Nom de c'est Jésus. Aujourd'hui. Bien-aimé, on peut noir. Nous avons compris. Tu n'as élevé. Que Moïse situation. Dans ses problèmes. Dans la situation de cette femme. Mambo ya uyumuki. Ce n'était pas un problème de produit. Eh, kukua mambo ya ma madawa. Un problème de supplier. Eh, kukua mambo ya kusi. Mais lakini, c'était une question de crier. C'est le temps de prier. Ni wakati ya kulala mi. De chasser. Na kufukuza. Nous voulons maintenant prier. Tunapenda kusema. J'ai besoin que quelqu'un s'associe. Napenda mtu ajambatanisha. Dans cette prière. Mu ima ombi. Tu vas claquer les mains. Uko na pika mikono. Nous allons chasser. Tuko na fukuza. Cette femme. Oh, il est... Elle était courbée. Alikuwa mwenye kukunja. Parce qu'elle avait un esprit. Nafikiria kulikuwa ma. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Claquer les mains. Mukupika. Tu vas détruire. Uko na labisha. Les forces de Dieu. Eh, kazi ya giza. L'esprit du diable. Pepo mchafu. Qui détient ta vie. Yenye na shika maisha. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Commence à claquer les mains. Anda kupika mikono. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Tu es en train de prier. Oh, uko na omba. Tu es en train de prier. Oh, kaka ya. Je refuse. refuse avec ma vie. Ce soir, je refuse avec ma famille. Je refuse avec ma richesse. Ce soir, je refuse avec mon élément. Ce soir, je refuse avec la promotion. Ce soir, je refuse avec ma santé. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Au nom de Jésus. Ce soir, personne. Oh. Oh. Bien-aimé, Benoît, cette femme. Uyumuke. Elle a fait 18 ans. Elle fanya miaka 19. 18 ans. Miaka 18. Qu'est-ce qui a duré dans ta vie? Ni nini nakawia maisha yako. Qu'est-ce qui a duré dans ta vie? Il est nakawa sana. Sa rencontre Jésus-Christ. Mbele ya Christ. Wow. Ile yote inakao. Tout ce qui a duré. Ikutane na Yesu. Que ça raconte le nom de Jésus. Wow. Je sais qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut traîner. Est-ce que c'est le mariage qui a traîné? Est-ce que c'est le travail qui a traîné? Ah. Est-ce que c'est la réussite? Et tu n'as pas dit. Est-ce que c'est le commerce? Et tu n'as pas dit. Ça ne marche pas. Ça fait des années. Oh, miaka na miaka. Vous prenez noir. C'est ce qui a traîné. Comme cette femme, 18 ans, miaka avait rencontré Jésus. Alikutana na Yesu. Ce soir, nous déclarons yo, yo, Jésus-Christ en ce lieu. Panafa. Tu ne sortiras pas oh, avec le même problème. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne vivras pas oh, le même problème. Oh, na mambo moya moya. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas vivre. Otaishi. Tu ne vas pas vivre. Otaishi. Qu'est-ce qu'il fait? Nini ninafanya? Bien-aimé. Upendwa. Il y a beaucoup ici, simplement dans le cœur. Kuko wengi tena tu kwa mambo mio. Il est ndoa. Il est ndoa. Le c'est loi. Le mariage là. C'est mariage. Pourquoi ça traîne? Tu as nini nakawa? Il esprit ya kukawa. Cet esprit qui traîne. 18 ans. Miaka 10 na. Ça fait 18 ans. Nafanya miaka 10 na. 50 ans. Nafanya miaka 10. Ça fait 20 ans. Inafanya tena miaka 10. Des problèmes de genoux. Niko na mambo ya rigoti. Si tu veux kutembea. Des problèmes de tension. Niko na mambo ya tension. Des mambo ya kukawa. C'est problème qui traîne. Aujourd'hui. Utaya chapa. Tu vas laisser ça ici. Utaya cha. Tu vas laisser ça ici. Utaya cha parafa. Ça va rester ici. Tabaki hapa. Dans le nom de Jésus. Mutina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. La Bible me dit. Bien aniambia. Jésus. Yesu. Regardant cette femme. Anaona huyu mke. Il dit. Anasema. N'est-il pas? Et. N'est-elle pas? Oh tak. Femme, fille d'Abraham. Bintu wa Ibrahim. Fils d'Abraham. Oh tena mwana wa Ibrahim. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier. Na lazimisha na mtu la ta. Seigneur. Atasema baba. Je suis ton fils. Niko mtoto yako. Je suis ton fils. Mie niko mtoto yako. Cette femme. Kama huyu mke. Moi aussi. Na mie. Je suis fils d'Abraham. Niko mtoto wa Ibrahim. Moi aussi. Na mie. Je suis fils d'Abraham. Niko binti wa Ibrahim. Souviens-toi de moi. Unikumbuke ko. Comme tu t'es souvenu. Vile ulikumbuka. De cette femme. Huyu mke. Amina. Tu t'es souvenu de cette femme. Ulimkumbuka huyu mke. Souviens-toi de moi Seigneur. Kumbuka dada yangu. Élève ta voix. Nyanyua sauti. Commence à prier. Anja kuomba. Dis Seigneur. C'est ma foi. Souviens-toi. Unikumbuke. Comme tu t'es souvenu. Kama tena ulikumbuka. De cette femme. Huyu mke. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Nom de Jésus. Tu as un problème. Ukonamam. Qui a duré. Yenyena kawia sa. Il y a un problème. Ukomambo. Qui a traîné. Yenyena kawa. Avance-toi devant. Nous allons prier pour toi. Tout à omba Dieu. Tu es venu. Nakuya. Avec des problèmes. Na mambo. Et ça a duré. Na inakawa. Ça traîne. Binakawa sana. Et tu n'as pas de solution. Na auna na majibu. Viens devant Jésus Christ. Kuya kumbele ya Yesu. Jésus Christ va te guérir. Mungu atakutu. Il est capable. Anaweza. Il est capable. Kuya. Il est capable. Anaweza. Je ne m'ennuie pas honte. Usikuye na haya. Devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Peut-être c'est ton jour. Mara nyingine ni siku yako. Avance toi. Oh mera. Avance toi. Chofa kumbe. Nous allons prier. Tutakuombe. Oh de Jésus. Vous savez à la piscine de Bethesda. L'eau était agitée. Mais ceux qui se jetaient. Lakini wanye walijitupa. Ils recevaient leur bénédiction. Walikuwa napokea matunzo. Avance toi. Chofa tu. Avance toi en prière. Chofa tu kuombe. Avance toi en prière. Chofa tu ombe. Il y a de ces occasions. Kuko tena ile mama mabati. Yenye haipashi kukosa. Amen. Amina. Nous allons prier. Tutaomba. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. C'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. est agité, agité, comme un bête, l'eau est agité, c'est le temps du Saint-Esprit. L'eau est agité, agité, comme un bête, l'eau est agité. Agité comme un Bethesda, l'eau est agité, c'est le temps du Saint-Esprit. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur.